sont des nôtres, les 12 apôtres qui ont choisi une autre vie, celle de répandre sans plus attendre la bonne nouvelle venue du ciel. Ils sont d'ici ou bien d'ailleurs, pauvres bergers, simples pêcheurs. Jésus leur dit à mes côtés, vous trouverez la vérité. Les deux premiers, André et Pierre, suivis de Jacques et Jean, son frère, et puis Simon le patriote, et même Judas l'Iscariote. Ils sont des nôtres, les 12 apôtres, qui ont choisi une autre vie, celle de porter au monde entier la joie de vivre en homme libre. Ils ne sont pas intelligents comme les docteurs et les savants. Jésus leur dit, n'ayez pas peur, laissez parler les mots du cœur. Il y a Philippe, Thaddée et Thomas, la paix devient leur seul combat. Matthieu, Jacques et Barthélemy, l'amour de Dieu les réunit. Ils sont des nôtres, les 12 apôtres, qui ont choisi une autre vie, celle de partir et de mourir, loin de chez eux en fils de Dieu. Ils sont des nôtres, les 12 apôtres, qui ont choisi une autre vie, celle de partir et de mourir, loin de chez eux en fils de Dieu.